tout choc, vous feu sur par choc. Ton 3B, tu veux de la coque. Tu me juste la bite par téléphone, en plus de ça tu rigoles. Mais je ris jaune, comme l'amour et la crise. Puis, tu piques du nez, 33B, je suis hyper choqué, je suis au POK. 33B, va à Bacra, si t'es bourré, tu feras de la câlin, bisou, et plus d'infinité. Ouais, mais toi, on est fini dans la street, mon rime impulsif, te fait jouir, te fait dire, tiens ce paname, catacritique, te nique. Je peux pas plus rien dire, je peux pas plus rien dire. Yeah, yeah. On s'appelle pas Tanguy, on tombe pas dans les oubliettes, mon cire, ça cherche, ça paye cher, pour son crouton. Trop vieux, trop con, ça recherche trop de bonbons, ça casse la motive. Moi je nique la grève et les écoubelles, le Patrick Bruel, il casse la tirelire. Pour un joker au final mec, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale. Comme la bonne faire plaise, tu souffras les boules au commissaire Moulin. Ouais mais comme une putain, ça plaît c'est bizarre, ça chute la Don Quichotte, ça baisse dans les chiottes. Ça rigole comme ça, picole, comme des bouffons. Ainsi que des bites par com, ça part comme Obama et les lois comme Sarko. Car si tu bois, tu poseras la caillasse et la canne d'Arcolna qui je plane. Comme d'hab, on dit ferme ta bouche aux aguicheurs comme d'hab. Fais-t-on les whisky coca, Red Bull vodka, sans bulle comme ta madame, j'ai les boules. Jojo, je peux plus voir ta tête de cuir, comme la porte éclate, pour la pilule. Si t'as la gueule comme Igor, sans doute fais un truc, toi ton top chrono fait la pute. On s'appelle pas tous Tanguy, on tombe pas dans les oubliettes, mon sœur sa chance, il s'appelle cher, pour son crouton, trop vieux, trop con. Ça cherche trop de bonbons, ça casse la motive. Moi je nique la grève et les écoubelles, le Patrick Bruel, il casse la tirelire. Pour un joker, au final mec, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale. On s'appelle pas Tanguy, on tombe pas dans les oubliettes. Mon ça cherche et ça paye cher, pour son crouton. Trop vieux, trop con, ça cherche trop de bonbons, ça casse la motive. Moi je nique la grève et les écouvelles de Patrick Bruel, qui casse à tirelire pour son joker. Mais au final mec, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale, t'es en phase terminale. T'es 3h à 2h, faux frère, fils de gangster, Esther, fils de misérable. Monsieur la grève. On s'appelle pas Tanguy, on tombe pas dans les oubliettes.